suis assis auprès de son âme, mais la belle dame. Je l'ai cherché sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié à Lille pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié à Lille pour qu'elle revienne. Lightning.

old friend of mine. Son corazón.